J'ai demandé à Parole d'honneur, qui est une émission vidéo sur Internet de débat politique, qui donne la voix au quartier et à l'immigration postcoloniale, de pouvoir diffuser leur excellente émission sur l'école. Ça se passe en France, oui, d'accord, mais de toute façon, ce sont les mêmes politiques et la même histoire. Bah, c'est super que Parole d'honneur ait accepté, et ça sans problème, hein, sans commencer à discuter, sans passer un examen, sans une réunion extraordinaire. Et ça, je trouve génial, parce que c'est... Allez, on diffuse, quoi. J'ai l'impression que c'est ça l'idée. Au plus on est entendu, au mieux c'est. Alors, il y a Wissam qui gère Parole d'honneur. Enfin, c'est lui que l'on voit le plus souvent animé. Je ne connais pas spécialement. Il y a Yazid, que je connais pas du tout, lui. Il y a Dani et Raz qui ont aussi une chaîne YouTube. Là, je connais pas du tout. Et il y a François Bégodeau. Bah oui, là, je vois un peu plus. François Bégodeau, qui est un écrivain, critique de cinéma. Il a joué Entre les murs, un film de Laurent Cantet. C'était un roman, Entre les murs, qu'il a écrit. Enfin, soit, renseignez-vous. Moi, j'ai lu Histoire de ta bêtise. Enfin, il se mouille pas mal, ce monsieur, politiquement parlant, quoi. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir plusieurs interventions de ce monsieur ailleurs qu'à Parole d'honneur. Et on apprend toujours un truc, quoi. Ça fait du bien, quoi. Et aussi, je rajoute, sur Parole d'honneur, il y a des débats comme ça où c'est passionnant, c'est une vraie discussion et c'est une vraie politique, quoi. Pas dans le sens partisan, mais dans le sens vraiment comment est-ce qu'on discute la chose, quoi. C'est riche. Allez voir, quoi. Voilà. Micro ouvert. Alors, la première question pour lancer le débat, c'est, là, je vous ai parlé du réarmement civique, avec des différentes mesures. On voit le retour de l'uniforme, la Marseillaise, on voit le SNU. Est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter de ça? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Est-ce qu'il y a une accélération? Ou est-ce qu'en fait, c'est l'évolution normale de l'école? Ou est-ce qu'il y a vraiment une rupture en ce moment? Directement sur les questions qui fâchent là. Je sais pas si on partagera tous la même position. Pour ma part, moi je. Bah, déjà, si on veut parler de manière stricte de ce virage autoritaire, raciste, réactionnaire, vraiment particulièrement intense, je pense qu'on peut le faire remonter à minima à la fin des années 80, début des années 90, avec l'obsession grandissante. Pour les musulmans. Première affaire du voile, 89. Première affaire du voile, créée 89. Seconde affaire du voile, bah, c'est la commission Stasi 2004. Et après, on se tape année après année après année des polémiques, des circulaires, des lois. Donc là, c'était 2004, c'était le voile. Récemment, on a eu la baïa. Ouais. Et en parallèle, du coup, du ciblage de plus en plus affirmé de la population musulmane, il y a de manière plus générale un discours très réactionnaire, très autoritaire, qui se manifeste par ce qu'on peut constater, c'est-à-dire le renforcement de... Bah, j'ai entendu, là, il va être question de cibler les parents défaillants dans l'éducation de leurs enfants, l'uniforme. Qui est un peu l'aboutissement hein, d'une démarche déjà, enfin d'un travail qui est établi de longue date. Et un autre élément aussi de ce raidissement qu'il faut avoir en tête, c'est typiquement ce qui est en train de se passer, parce qu'il a commencé, enfin ce qu'ils ont fait avec Parcoursup et qui aujourd'hui prend la forme de l'abolition du collège unique. Bah, tout ça fait c'est un grand tout, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'école en France du moins, elle est en train de se mettre au service d'un projet qui est un mélange de racisme, de culte des valeurs réactionnaires classiques et puis du classement de la société dans son ensemble. Là où je pense que je dis des banalités pour l'instant, là où il va y avoir une discussion, c'est que je pense que la structure scolaire dans sa forme française, mais pas que. La forme française, elle a des particularités parce que l'école, elle a joué un rôle très important dans la constitution d'État-nation, dans la disparition progressive des spécificités régionales, etc. L'école, par construction, elle porte les germes de ce qui est en train de se produire aujourd'hui, en fait. C'est ça qui va être intéressant à avoir comme discussion entre nous. C'est que je pense que dans son fonctionnement classique, l'école massifiée, industrielle, qui a commencé à accueillir le gros de la population à partir de la fin du 19e siècle. Ça a été un mouvement progressif. Hein. Au début, tout le monde n'y allait pas. Mais aujourd'hui, on est quand même très majoritaire à y aller et aller à l'école publique ou privée sous contrat. Bah, c'est le même fonctionnement. c'est une structure qui marche sur ses deux pieds, c'est-à-dire la discipline. La discipline, c'est-à-dire quand même le pire des élèves, retient quand même qu'à l'école, il faut arriver à l'heure, il faut vous voyez le proviseur, etc. Enfin, il y a un certain nombre de règles et une certaine révérence à avoir. On parlait tout à l'heure d'être irrévérencieux. Je pense que la révérence, elle vient beaucoup du rapport qu'on va qui va s'instaurer au reste du monde à travers l'école et le classement. C'est les deux pieds sur lesquels marche l'école depuis toujours. Mais donc, en gros, pour toi, c'est qu'il n'y a pas une rupture, c'est juste une forme d'accélération là en ce moment d'une dynamique qui était déjà là à l'école. Oui, c'est ma position. C'est ma position. Oui, moi j'ai la même, j'irais peut-être un peu plus loin même encore. Je pense que c'est tout simplement, je pense qu'il y a un ADN autoritaire de l'école dans sa constitution même, depuis la fin du 19e, dans sa création, telle dans la facture dans laquelle on la connaît actuellement. Et il se trouve que cet ADN s'actualise cycliquement dans l'histoire. Donc il n'y a pas, c'est à l'image d'ailleurs de la fascisation générale de la société, on dit qu'il y a un glissement fasciste. Moi je pense qu'il y a plutôt une réactualisation du fascisme latent au sein de la société capitalo-industrielle. Parce que on arrive à un certain nombre de contradictions qui font que la bourgeoisie se fascise parce qu'elle en a besoin pour faire obstacle à une espèce d'adversité sociale qu'elle craint et à un certain nombre de contradictions. Pour l'école, c'est pareil. Il ne faut jamais oublier que l'école naît donc sous la Troisième République, c'est même le projet un peu central de la Troisième République, c'est ce qui la constitue, c'est-à-dire de façon coïncidente avec vraiment l'essor industriel français, c'est quand même à ce moment-là que la France devient vraiment un pays absolument industriel, au même titre que l'Angleterre, et le projet colonial. C'est-à-dire que tout ça se fait quand même dans le même temps, se ramasse en 20 ans. En fait, tout ça se conçoit, et on en est toujours là. Et alors après, il y a des périodes de plus ou moins grande accalmie où la matrice autoritaire nationale ou nationale autoritaire d'école se voit un peu moins. Elle se voyait moins dans les années 70-80 parce que aussi, peut-être que l'hégémonie culturelle de la gauche étant ce qu'elle est, bon, ça se, voilà, puis on n'était pas dans les mêmes contradictions de la société. Mais il ne faut jamais oublier que les petits Français qu'on a massivement conviés à l'école dans les années 1970-80-90, on leur racontait beaucoup et c'était un objectif explicite de la part de ceux qui ont inventé le dispositif scolaire de l'époque, c'était de préparer des petits soldats pour aller niquer les boches. Parce que oui, il y avait la défaite avec les Prusses, voilà. Qui a été un traumatisme. Il fallait conjurer. Des discours, c'était de dire qu'il n'y avait pas assez de sentiments patriotiques en France. Absolument. Donc déjà, de toute façon, la vocation patriotique de l'école, elle est là dès le début. Hein, mais vraiment, elle était explicite. Elle est dans les textes, elle était affichée, elle ne se cachait pas. Et il fallait absolument reformer les petits patriotes qui seraient donc à même de partir dans le conflit qui s'annonçait et qui de fait a eu lieu avec les Allemands, et ils allaient y partir la fleur au fusil avec l'enthousiasme patriotique qui nous permettrait de gagner. Donc en fait, l'école, elle a ça en elle, quoi. Et de fait, comme l'a dit Yazid, elle est quand même structurée. L'analogie avec la prison est toujours un peu délicate, puisque de l'école, on sort quand même à 17h. Et donc il faut, par respect pour les détenus, il ne faut pas quand même raconter que les élèves sont des détenus. Mais quand même, de fait, il y a des dispositifs assez, même géographiquement, topographiquement, architecturalement. Il y a plein de choses à dire. Bon. Et par ailleurs, j'ajoute juste que il faut voir que, de fait, c'est aussi contemporain de l'essor industriel. Et donc, on avait besoin de bras, on a besoin de former des gens et on a besoin de former des futurs travailleurs au sens où Yazid l'a dit, c'est-à-dire les former au béaba de ce qu'on attend d'un travailleur, quel que soit son domaine d'activité, se présenter à l'heure quelque part et faire ce qu'on lui demande de façon disciplinée. Mmh. Pour ça, l'école, c'est un truc qu'on a pris l'habitude de dire avec Yazid à chaque fois qu'on a débattu ensemble, enfin discuté ensemble de ces questions-là, publiquement ou pas, c'est que l'école, on dit souvent qu'elle a échoué. En fait, ce n'est pas vrai. L'école a absolument réussi, par exemple, et notamment sa vocation disciplinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous sortez de 15 ans, où vous êtes assis des heures et des heures toute la journée, et que globalement, vous avez fermé votre gueule, aussi participatif essaye d'être le professeur, l'enseignant, oui. De toute façon, tu fermes ta gueule à l'école et tu es assis. Je veux dire, c'est quand même ça ton truc. Tu es ponctuel. De 9 à 10, t'as cours en 302, t'es en 302. De 10 à 11, t'as cours en salle 404, tu seras en salle 404. Et ben, je veux dire, tu sors de 15 ans de ça avec une grande propension, une grande capacité à être un travailleur discipliné. Dani, tu veux réagir sur ça ? Bah, j'ai rien de spécial à ajouter, si ce n'est que, ouais. Même moi, il y a un truc qui marque, c'est que je me souviens que mes parents me disaient beaucoup, de notre temps, c'était plus autoritaire parce qu'on avait l'uniforme, les garçons et les filles étaient séparés. Et toi, ça, tu sais, il y avait ce truc de bon, ça progresse un peu. Et moi, je me dis, je suis dégoûté d'être né maintenant parce que peut-être que l'école ce sera bien un jour parce que c'est un projet qui fait rêver le projet des savoirs donnés à disposition de tout le monde. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, que ça parle de remettre l'uniforme, que quand tu vois toutes ces mesures là, je me dis, waouh, c'est au final, ces espèces parfois d'élan qu'il y a pu avoir de « Ah, il y a un peu de progrès ici et là », en fait, tu vois vite que bah non, ça revient à son projet autoritaire initial et qu'en fait, ça n'avance pas. Mais justement, ça me fait... J'ai l'impression qu'il y a une des difficultés quand on critique l'école, et j'ai vu notamment quand on a partagé la pub pour cette émission, c'est que pour les gens, on est un peu parano. C'est-à-dire que penser que l'école est réactionnaire, est autoritaire, peut être raciste, peut être sexiste et tout, c'est n'importe quoi parce que l'école, elle est perçue comme fondamentalement égalitaire, comme fondamentalement méritocratique. Tu as l'idée que l'école accorde la chance à tout le monde. Si tu veux réussir, tu peux réussir. Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion des gens entre l'idéal de l'école et l'institution scolaire telle qu'elle est en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et comment on peut faire pour que... Oui, alors, en fait, globalement, c'est très français. Je ne sais pas si c'est le cas dans les autres pays. En fait, il y a une tendance à croire. Ça, c'est un consensus bipartisan. Tu vois, c'est la droite, la gauche, c'est tout le monde, avec des nuances. Que l'école, c'est une espèce de sanctuaire. D'ailleurs, c'est un mot qui est beaucoup utilisé. Tu vois, c'est intéressant. D'ailleurs, le vocabulaire religieux est souvent employé quand on parle de l'école. On parle de sanctuaire, on parle de sacré. C'est un endroit où les enfants doivent être mis à l'abri de, on ne sait pas trop quoi d'ailleurs. Mais il y a cette idée que vraiment, c'est un endroit qui est à l'abri, tu vois, des tumultes de la vie extérieure, du capitalisme, du colonialisme, du racisme, etc. C'est un endroit qu'il faut préserver impérativement de tout ce qui se passe d'horrible à l'extérieur. Mais en fait, ça tient pas la route, parce que si tu veux, tu vois, grosso modo, pour une cohorte donnée d'enfants, tu en as 99,5% qui vont à l'école, si tu veux. C'est les mêmes que tu vas retrouver 15 ou 20 ans plus tard, sur des postes de travail. À des postes de commandement aussi, parce que l'école, elle sert aussi accessoirement à former l'élite, qu'on voit ensuite arriver dans les grandes écoles et dans les administrations pour gâcher la vie des gens. Tous ces gens-là sont passés par l'école. Ça me paraît quand même étonnant que dans le diagnostic de ce qui se passe dans cette société, on exclut par principe l'idée que l'école pourrait avoir un lien avec ce qui se produit après, tu vois. C'est quand même un peu étonnant. Tu vois, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on constate quand même, polémique après polémique, que bon, c'était peut-être pas le cas il y a 50 ans, tu vois, mais il y a quand même pas une motivation folle des... Bah, je veux pas parler pour tout le monde, mais tu vois, des représentants syndicaux. Tu vois, par exemple, la CGT, sa position sur la baïa. Tu vois, ça saute pas aux yeux qu'on est face à des gens qui vont, foncièrement être en désaccord avec le gouvernement, tu vois. Au final, bon, bah, on est tous d'accord. Je sais pas si vous avez une explication à ça, c'est que on voit que année après année, décennie après décennie, l'école ne remplit pas son rôle méritocratique, d'égalité sociale et tout. Et pour l'instant, et encore et toujours, les gens croient encore à l'école. Et surtout dans les classes populaires. Je veux dire, en plus, c'est ce que comprennent pas les gens, c'est qu'ils critiquent les parents de classe populaire, comme quoi ils investiraient pas à l'école. Alors qu'au contraire, il y a vraiment un attachement à l'école, parce que pour eux, c'est vu comme le meilleur moyen d'avoir une ascension sociale. Donc comment vous expliquez cette contradiction entre la réalité de l'école et... La création de l'école, c'est immédiatement enrobé d'un écrin de propagande idéologique, plus ou moins auto-persuasive d'ailleurs, parce que je pense que Jules Ferry, qui est à la fois un grand colonisateur, un grand bourgeois soutenant l'effort industriel de la bourgeoisie, et le fondateur de l'école dans la mouture qu'on connaît, je pense que croyait lui-même à ses propres idéaux quand il disait qu'on allait émanciper tout un tas de gens. Il disait peut-être pas forcément émanciper d'ailleurs, mais disons éduquer, etc. Il ne se cachait pas non plus, encore une fois, de la vocation, disons, moralisante de l'école. Il s'agissait quand même d'apprendre aux petits Français la morale. On d'ailleurs avait des cours de morale. Maintenant, c'est cours d'éducation morale et civique. C'était morale pure. Il y avait vraiment des leçons de morale. On commençait la journée comme ça. Et jusqu'à très tard, mon père me parlait de ça, d'ailleurs, lui qui a été écolier dans les années 50, je dirais. Donc, en fait, ça date pas d'hier. Mais de fait, il y a eu immédiatement tout un tas de discours comme ça, un petit peu post-lumière, quoi. Genre, on va éduquer les gens. Là, on construit une école. On abat une prison. Blablabla. Bla, bla, bla, bla. Donc, vous grandissez quand vous êtes ne serait-ce qu'un petit Français, quelle que soit son origine, dans un bain idéologique incroyable de propagande qui a d'ailleurs resservi par l'école elle-même, hein, parce qu'à l'école, les profs vont nous dire ça aussi. Donc bon, si vous n'avez pas d'armature critique contre ça, normalement, moi je l'ai souvent raconté d'ailleurs, moi je suis fils d'enseignant. Bon, mes parents n'étaient pas forcément pro-école, mais ils étaient enseignants, quoi. Ils étaient instituteurs, puis profs. Et bon, moi, j'ai grandi avec des profs, machin. Bon, et s'il y a bien un truc, bien qu'étant un mec de 18 ans quand même particulièrement énervé déjà, assez faisant feu de tout bois en termes de critique sur à peu près toute la société, il y avait un truc que je ne pensais même pas à critiquer, c'était l'école. Alors peut-être aussi parce que j'avais été un premier de la classe, donc j'étais quand même ambivide dans le truc, donc j'avais la loyauté du ventre, quoi, enfin la reconnaissance du ventre, peut-être il y avait tout ça. J'avais bien compris quand même que le système produisait des inégalités plutôt que de les résoudre, mais je l'épargnais un peu, donc je pense. Et alors j'en viens quand même au truc important, c'est qu'on se retrouve avec l'institution scolaire dans un schéma bizarre où les agents eux-mêmes de l'école, les enseignants, le personnel scolaire et notamment les enseignants, sont en général plus à gauche que l'institution elle-même. Je dis bien plus à gauche que l'institution elle-même, ce qui laisse quand même une marge pour qu'il soit de droite. Ça, on y reviendra peut-être sur la couleur politique des enseignants maintenant. Ouais, ça, c'est quand même très important. Mais par exemple, dans les années 50, 60, 70, oui, la grande majorité des enseignants étaient communistes ou socialistes. Ils étaient au PC, au PS, à la SFIO, leurs équivalents selon les époques. Et ce qui accréditait encore l'idée qu'on avait inventé là une espèce de petite niche autonome, pour aller dans le sens du sanctuaire de Yazid, une petite niche autonome qui serait hermétique à toutes les données plus générales des institutions de la société. Quoi. C'est-à-dire que là, on allait pouvoir faire du travail de gauche au sein d'institutions dont les enseignants eux-mêmes, en tant que communistes ou socialistes, reconnaissaient qu'elles étaient toutes de droite, conservatrices, du côté de la bourgeoisie, du côté, je sais pas, du productivisme ou que sais-je. Mais l'école, on pouvait, concrètement, les enseignants pouvaient se vivre comme étant le petit village d'Astérix ou la petite niche, la petite ZAD, où on allait faire de l'émancipation, de l'égalité, alors que toute la société, tout ça, bah, évidemment, témoignait quand même d'une pensée structurelle très très faible. Parce que comment ces gens ont pu s'imaginer que l'école, qui est quand même une école d'État, financée par l'État, par nos impôts, mais par l'État, une école publique, donc pour l'instant parlons que de celle-là, pouvait être une espèce de contrepoison à la société elle-même. D'un point de vue de pensée structurelle politique un peu conséquente, c'est tout à fait absurde. Bah, cette aberration, elle était possible parce que, encore une fois, quand le prof de gauche arrivait au boulot, au collège, avec ses collègues, eh ben, ils étaient tous de gauche autour, ils se racontaient des trucs de gauche, et puis ils allaient à la cantine, puis ils étaient tous de gauche, et puis en mai 81, le 11 mai, bah, ils fêtaient tous ensemble la victoire, parce que quand même, communistes et socialistes convolaient plutôt à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui a créé, qui a contribué à cette espèce de fausse conscience, ou à d'illusion de perspective totalement dingue, dont on est parvenu, hein. On se le dit souvent avec Yazid quand on parle, nous sommes tout à fait frappés et sidérés par le manque d'écho qu'on peut trouver chez les militants de gauche ou chez les gens de gauche en général, aux problématiques que Yazid essaie de mettre en avant, puis moi, quand je m'associe à lui. C'est pas, mais, ça vient aussi beaucoup du fait que beaucoup parmi les électeurs de gauche sont des enseignants. Ça, donc, il est compliqué de mordre la main qui vous nourrit tous les matins. Ça, c'est un autre problème. Un progrès, non ? Et j'ai envie de prendre un truc qui va te plaire comme exemple, mais c'est quand on dit « ouais, des gens sont morts pour le droit de vote ». Tu vois, c'est ça, je sais que ça va te plaire, mais tu sais, t'as un peu cette idée aussi que avant les gens étaient analphabètes, notamment les classes populaires qui n'avaient pas le droit de lire, et que oh, heureusement qu'il y a eu l'école, car ça a remis un peu, c'est fait qu'aujourd'hui tout le monde est capable de lire, de compter. D'ailleurs, souvent ce qu'on entend, même les Onfray qui sont là toujours, faut apprendre à lire, compter, écrire, c'est vraiment ce qui compte, ça sert à ça à l'école, etc. Parce qu'on dirait qu'ils trouvent que c'est pas encore assez autoritaire à leurs yeux. Mais surtout, en fait, c'est que t'as ce projet-là qui donne peut-être envie, le projet universel de oh, on va transmettre le savoir à tout le monde et tout, etc. Mais la vérité, c'est qu'il y a des écoles dans des lieux. Et qu'en fait, bah déjà, c'est pas la même chose d'être à Henri IV que d'être dans un lycée de banlieue, quoi. Et ça, c'est un truc que je me souviens, il y avait Omar Sy qui avait dit ça, je crois. C'était à l'émission Clic, je crois, avec Mouv Dachour. Et qui disait que lui, il était très bon en banlieue. Et qu'à un moment, il a déménagé et qu'il est devenu un élève moyen. Alors du coup il est passé du top de la classe à un élève un peu moyen. Et ben moi qui étais un élève moyen dans mon parcours scolaire en banlieue, quand je me suis retrouvé à aller plus tard dans le sud de la France dans un lycée plus classique, je suis passé d'un élève moyen à un élève médiocre. Donc en fait tu te dis attends, il y a quand même une chute comme ça. Et je me souviens très bien quand je suis arrivé, le proviseur m'a convoqué avec mes parents le jour même de mon arrivée pour dire il est passé en première L lui. Il faut le faire redoubler, parce que vu d'où il vient, Académie de Créteil, qui est la pire, etc., ça va pas être possible. Et du coup, nous, avec ma mère, on a fait, bah non, je suis passé, moi, j'ai pas envie, donc on s'est battu. Elle a fait, ok, et je me suis pris 2-3 de moyenne dans plein de matières. Et ça a été un choc de découvrir à ce moment-là que derrière le vernis égalitaire et tout, etc., bah, en fait, il y a déjà une différence en fonction d'où t'es, tu ne vaux pas la même chose. Mais parce que j'ai l'impression, mais tu pourras rebondir, que les gens croient sincèrement que le but c'est récompenser le plus méritant, alors qu'au final le but de l'école ce serait de faire un tri entre les élèves, de voir ceux qui vont aller ouvrier, ceux qui vont remplir les fonctions dans la société en gros. Je vais y venir, je voulais juste répondre par rapport à l'histoire de l'illettrisme. C'est pas faux de dire qu'effectivement, grosso modo, dans les sociétés industrielles, développées, capitalistes, on s'est plus ou moins débarrassé, enfin, en tout cas, des sociétés dans lesquelles la scolarisation est massive, c'est vrai qu'on constate une réduction de l'illettrisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore beaucoup d'illettrés en France. Il faut pas l'oublier. Il y en a quand même beaucoup. Donc, ce qui veut dire que, de ce point de vue, je veux dire, le combat n'est pas terminé. Il y a quoi par illettré? Ceux qui ont encore du mal à écrire ou qui ne savent pas du tout Alors, non, pas analphabète, illettré. L'illettrisme en France est un vrai fléau. Un vrai fléau. Donc, on n'en parle pas assez. À un moment, d'ailleurs, Mélenchon en parlait dans sa campagne de 2017. Le problème de l'illettrisme d'un certain nombre de gens, pour qui d'ailleurs la scolarité s'arrête assez vite. Après, moi, je pense que, c'est mon avis, hein, on pourra en discuter, je pense qu'il y a un grand malentendu sur la finalité de l'école, en fait. Tu vois, l'idée, par exemple, de dire, j'entends beaucoup l'idée que l'école serait un endroit dont l'objet est de transmettre le savoir. Moi, je suis pas si sûr, en fait. Hein. C'est pas vraiment l'enjeu premier. C'est-à-dire que si tu fais débarquer quelqu'un d'une autre planète et qu'il va à l'école, et que tu lui fais passer une demi-journée, une journée dans une école classique, c'est pas forcément ce qui va lui sauter aux yeux qu'on lui transmet le savoir. Moi, ce qui me saute aux yeux, maintenant, tu vois, que j'ai 34 ans et que je vois les choses un peu de l'extérieur, c'est l'omniprésence de la captivité et de la contrainte. C'est ça que je vois, d'abord. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des corps qui sont... grosso modo quand même contraint toute la journée d'être à un endroit précis, écouter, tu vois, ne regarde pas par la fenêtre, ne baille pas, ne fais ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mange à telle heure, enfin tu vois, enfin, je veux dire, ton quotidien il est quand même cadencé, il est rythmé à la seconde près par d'autres gens pour toi. Et tu n'as qu'à rentrer dans ce moule ou pas d'ailleurs, parce que tu as des enfants qui s'y font, ceux qui ne s'y font pas. C'est ça l'enjeu premier, si tu veux. Donc je pense qu'à partir du moment où tu as pris ce prisme-là, tu as une analyse qui est un petit peu différente. Typiquement, moi, je pense par exemple que c'est un peu une chimère que de croire qu'on va réussir à trouver un moyen pour que les élèves de banlieue soient aussi bons que les élèves du centre-ville. Pourquoi? Parce que les règles du jeu scolaire, elles ont été pensées par des gens du centre-ville. Tu vois? Quelles sont les matières qui sont valorisées? Quelles sont les compétences? Quelles sont les manières d'apprendre? Les manières d'être? Tout ça est pensé. Oui, mais même, tu vois, mais même si ce n'était pas pensé par des gens du centre-ville, est-ce que la fonction de l'école, ce n'est pas justement de faire un classement? Et que dans tous les cas, il faut des nuls. Mais bien sûr, évidemment. Mais c'est parce que c'est un produit de la bourgeoisie, tu vois. Donc, elle ne peut pas fonctionner autrement, par construction. Il faudrait imaginer une toute autre école, tu vois. Et là, pour le coup, on rentre dans des discussions qui nous sortent du blabla habituel que je regrette un petit peu quand on parle de l'école et qui, en général, va s'orienter sur des questions budgétaires qui sont importantes. Il faut que les gens travaillent dans des bonnes conditions. Tu vois, j'ai entendu l'autre jour que dans le 20e, ils bossent avec 11,5 degrés dans les classes. Évidemment qu'on ne peut que trouver ça consternant. Mais croire que le problème de l'école, c'est que ça, pour moi, c'est se mettre les deux doigts dans l'œil. En tout cas, quand on se prétend de gauche. Parce que croire qu'on peut, si tu veux, compter sur une structure scolaire à l'identique dans laquelle on mettrait plus d'argent pour faire advenir une société émancipée où, grosso modo, on réussit à faire se concrétiser les valeurs démocratiques, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est faire fausse route. Je voulais revenir sur le fait que un certain nombre de gens des classes populaires peuvent encore avoir cette foi dans l'école. Comme d'habitude, il faut commencer par trouver ça, par trouver la logique qu'il y a là-dedans. Parce que mon premier réflexe pourrait être de trouver ça très illogique, puisque je considère que l'école est extrêmement violente aux classes populaires. Mmh. Extrêmement violente. Je veux dire, c'est quand même une instance d'humiliation des classes populaires. Mmh. Et je suis pas loin de penser qu'elle a aussi été conçue pour ça. Ce n'est pas une incidence de sa création, c'est aussi ça. Il s'agit quand même d'humilier les pauvres un peu et surtout de les définitivement ficher en eux le sentiment qu'il est tout à fait légitime qu'ils soient pauvres. Oui, bien sûr. Qu'ils sont bien à leur place, quoi. Et c'est d'ailleurs énormément de gens qui sont issus de classe populaire sortent de l'école avec encore plus chevillé au corps le sentiment que décidément, ils sont voués à être les inférieurs sociaux de la société, puisque de toute façon, à la rigueur, quand ils y rentrent en CP, peut-être que le gamin peut encore se projeter comme un type qui a le droit à peu près tout, comme tout le monde, quoi. Et puis à la fin, eh ben, au bout de 15 ans, il s'est pris que des 3 en maths. Alors là, maintenant, il a vraiment, vraiment complètement inscrit en lui l'idée qu'il est nul et que donc il est tout à fait normal, logique, légitime, c'est la méritocratie à l'envers, qu'en fait, il soit voué aux basses besognes de la société avec des bas salaires. Maintenant, inversement, par rapport à ce constat-là, qui devrait entraîner tous les gens des classes populaires à se dire que vraiment l'école est leur ennemi, il y en a quand même un certain nombre qui considèrent qu'au contraire, elle peut être un auxiliaire, elle peut être... Et pour cause, parce que d'abord, souvent, il y en a quand même beaucoup qui n'ont que ça, c'est-à-dire comme espoir possible d'ascension sociale. Avec la destruction du milieu ouvrier, le fait que on va plus travailler dans l'usine de son père, il y a plus que l'école. Mais même à l'époque où effectivement beaucoup de gens issus de la classe ouvrière avaient quand même comme perspective de rentrer à l'usine derrière leur père à 14 ans, à 15 ans, à 15 ans, surtout les mecs, enfin les filles aussi d'ailleurs, quand même dans les milieux populaires, il y avait quand même beaucoup l'idée que si l'école pouvait permettre que non, en fait, tu n'ailles pas à l'usine comme ton père, là où il s'est éreinté, où il s'est esquinté la santé, où en fait, il n'atteindra même pas l'âge de la retraite tellement il est crevé, c'était quand même très puissant, ça, dans les classes populaires. Ouais, mais tu avais quand même, dans les années 70, notamment dans le milieu ouvrier anglais et tout, tu avais quand même l'idée que, effectivement, si tu peux réussir à l'école, tant mieux, mais que ce n'est pas une honte. Oui. De ne pas réussir à l'école, oui. Parce qu'il y avait une fierté ouvrière, ouais. Il y avait quand même une force ouvrière qui disait que, allez, au pire, tu n'as pas réussi à l'école, on n'est pas humilié. Alors que maintenant, il n'y a plus ça du tout. Oui. Tu vois, il y a même plus ce réconfort de dire on appartient à un groupe dans lequel on a un travail, mais aussi dans lequel on a une puissance. Il n'y a que l'école. Ouais. C'est la seule issue. C'est vrai. Deux cas, je trouve, tu avais ceux qui étaient en mode, hey, l'école, moi, ça ne m'a rien apporté, va trouver un vrai travail. Genre ça, c'était beaucoup les gens de toute façon subi. Et puis à 14 ans, va dans les fameuses voies de garage. En fait, oh, un travail honnête. Et puis là, tu verras, tu commenceras à te faire de l'argent. Donc, il y avait certains, moi, je me souviens, certains dans les familles de certains de mes amis, c'était ça le discours. Et tu avais ceux qui, au contraire, avaient exactement, selon François Pal, ça, le côté de dire, vas-y, ça a cassé nos corps, ça essaye de t'élever. Et donc, cette promesse de l'ascenseur social que l'école renvoyait beaucoup, mais qui est aussi hypocrite que la promesse d'être riche quand t'es pauvre et qui te fait défendre parfois le système même. Capitaliste. Bah oui, souvent, en te disant, bah peut-être un jour, moi j'y arriverai, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc direct où. Mais ça, je pense que ça marche même sur les classes bourgeoises qui se disent, du coup, qu'elles, elles méritent absolument, comme elles ont les bonnes notes, qu'elles passent dans les bons collèges. Et ça crée ces incompétents, d'ailleurs, qu'on voit parfois au gouvernement ou dans les médias, qui se croient, eux, hyper légitimes parce que super diplômés. Et donc, pour eux, l'argent qu'ils gagnent, tout est absolument mérité. Et c'est l'inverse qui se crée, du coup, quand tu te prends des sales notes toute ta vie, quoi. C'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir en tête que l'école, en tant qu'institution, elle fonctionne vraiment comme la colonne vertébrale de la société, tu vois. C'est ça qui fait que ça tient debout et que tu trouves légitime la position de la personne que tu as en face. Combien de gens on a vu passer sur les réseaux sociaux qui disaient qu'Attal, bah, en fait, c'est bien qu'il soit Premier ministre à 34 ans. Bon, ouais. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il soit Premier ministre à 34 ans, parce que j'ai 34 ans moi aussi. Mais. T'es un peu jaloux, même, je crois. Ouais c'est dit, c'est toi qui devrais être. J'aurais aimé être le collaborateur de Macron, évidemment. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce qui t'explique, c'est que c'est quelqu'un de formidable parce qu'il a fait des bonnes études, qui, au demeurant, n'ont même pas abouti réellement à ce qu'il obtienne son diplôme. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'histoire, mais en gros, il obtient son diplôme sans avoir passé les examens à Sciences Po, mais juste parce qu'il avait été collaborateur ministériel de je ne sais pas qui. Et en gros, on lui a filé son diplôme. Un truc automatique. Il y a AOC aussi, là, où là, c'est le festival de Mediapart. Ah oui, la ministre. J'ai oublié son nom, il est impossible à dire. Oudéa Castéra. Amélie. Elle, c'est incroyable. C'est que ça. C'est que du. Tu sens tout tes affaires de on s'arrange. Mais donc, pour eux, il n'y a pas Parcoursup, quoi. Parcoursup qui est vécu comme une violence actuellement par plein d'étudiants, de lycéens et tout. Ils n'ont pas ça, il n'y a pas de souci. C'est t'inquiète, on passe ton gosse là, etc. Alors, j'en profite juste parce qu'on me l'a donné pour faire une petite pub. Une petite pub, il y a du monde. Donc, il y a le magazine Nous qui est toujours en vente. Les gens, tu l'as ? Non, on ne me l'a pas envoyé. Mais je lis en ligne. Est-ce que t'es conscient qu'on a dû tous l'acheter ? C'est-à-dire qu'on a écrit, on l'a acheté. Ah d'accord. Ah oui, il a cru que ça allait être offert. Vous êtes pauvre, vous êtes euros. Ah ouais, vous êtes pauvre. Il marche bien ton dernier livre, non ? Ouais, super bien. Eh ben, voilà. Tu peux même plus que 10 euros, t'inquiète pas. Peut-être parce qu'il est mieux écrit, je sais pas. C'est la méritocratie littéraire. Non mais c'est pas la comparaison, c'est surtout pour l'argent. Okay. Et aussi, vous êtes nombreux, n'hésitez pas à faire des dons. Hein. Je sais que vous donnez beaucoup à Zawaprod, c'est bien. Mais donnez aussi à Parole d'Honneur. Je voulais juste rebondir pour poser la question sur... Tu as... ouais, on prend sur son salaire tout ce qui sera donné ce soir. Je suis syndiqué. Tu parlais de l'humiliation de l'élève, que l'école servait à humilier l'élève des classes populaires. Mais ce n'est pas seulement l'élève. Il y a une humiliation de tout son environnement social. C'est-à-dire qu'il y a aussi une humiliation, on se sent humilié par la classe et la famille à laquelle on appartient. C'est-à-dire, à l'école, on t'apprend que, surtout quand tu es un fils de prolo et en plus... pire quand tu es un fils de prolo immigré, que ce que dit la manière de parler de tes parents, elle est catastrophique, les savoirs qu'ils ont, ils sont pas légitimes, que tu dois pas parler comme eux, que tu dois pas les écouter parce que tout ce qu'ils disent c'est n'importe quoi. Donc il y a vraiment une honte de ton environnement, de ta famille, et c'est là aussi qu'il y a un côté extrêmement fort sur l'école. Et il y a aussi l'aspect racial. C'est encore plus fort quand tu as une tradition arabe ou africaine. Tu as l'idée que ben ça, ce n'est pas légitime. Ça, tu dois l'oublier. Ça, tu dois vider toute cette identité, tous ces codes et tout pour devenir un bon élève. Et un bon élève, c'est un bon élève républicain, français, avec tous les codes qu'il faut. Donc, à partir de ça, moi, la question que j'aurais, c'est j'ai l'impression Alors, on a vu qu'il y avait des difficultés pour montrer le côté inégalitaire de l'école, mais j'ai l'impression qu'à gauche, il y avait encore une plus grande difficulté, même encore maintenant, pour souligner le côté raciste de l'école. Mais je crois que ça vient du fait aussi. En fait, il faut replacer les choses un petit peu, en individualisant un peu le sujet pour après monter en généralité. Figurons-nous, en gros, c'est quoi le profil type de l'enseignant ? Bon, moi, à l'époque où je deviens enseignant, en 95, le profil type, c'est moi. C'est-à-dire que je suis vraiment lambda, moi. C'est-à-dire que je suis un mec de gauche. J'ai plutôt été éduqué globalement. Il faudrait évidemment mettre plein de nuances décoloniales, mais globalement dans l'antiracisme. Je dis bien globalement parce tout ça souffle plein de nuances que vous connaissez bien ici. Donc dans l'idée qu'on va aller, on va devenir enseignant, on va peut-être se retrouver devant des gens, des Arabes, des Noirs, des choses. Mais tant mieux. Enfin, pas tant mieux, mais disons, oui, cool quoi. On va faire notre boulot et on va le faire. La diversité. On aime la diversité, tout ça. Vous assumez votre fardeau. Voilà, c'est notre croix quoi. L'arabe et l'élève noir et arabe est notre croix. Non, mais je veux dire. Clairement, il est hors de question qu'on soit raciste. Même je pense que même le réflexe premier d'un type profilé comme moi, et encore une fois, j'étais très lambda, donc c'est pour ça que à ce titre-là que je parle de moi, parce que je pense que j'étais vraiment portrait robot de pas mal de jeunes enseignants de ces époques-là ou des époques un peu d'après. C'est vraiment, au contraire, on va peut-être presque être spontanément et un peu inconsciemment en mode discrimination positive. Mmh. C'est-à-dire qu'on aura d'autant plus d'attention pour les élèves noirs et arabes, dont on sait bien que peut-être en tant que tels, ils viennent un peu plus loin, etc. Donc, il ne faut pas laisser croire que les enseignants arrivent racistes sur la place de l'école. Il y en a sans doute, bien sûr, qui arrivent, sont déjà racistes. Voilà. Mais enfin, globalement, non. Et globalement, plutôt le contraire. Bon, un antiracisme, évidemment, pas très armé politiquement. Oui, mais ça dépend aussi de la manière... Là, tu dis, ils n'arrivent pas racistes, mais... Après, c'est parce que le mot est très connoté, mais je pense que même des gens qui arrivent avec des bonnes volontés peuvent avoir une vision raciste de la personne, un peu j'entends civilisateur. Bien, j'allais y venir. Je disais bien que c'était un antiraciste pas très armaturé. Mmh. Et au bout du compte, et on allait voir la suite. Et on allait voir à quel point il était mal armaturé, que précisément c'était une espèce d'antiracisme moral un peu mou du genou, parce que très très vite, en fait, il allait se laisser étioler par en fait, l'exercice même du métier. Mmh. Et c'est là qu'en fait le prof devient raciste. Ouais. Il devient raciste dans l'exercice même de l'enseignement. Moi, ça, je l'ai vu, je peux en témoigner, parce qu'il développe des... En gros, un prof se retrouve... Par ailleurs, c'est un peu ce qu'on dit des flics, parfois, qui viennent un peu comme ça de la campagne. C'est des petits blancs de la campagne, ils se retrouvent mutés dans le 9-3, une espèce de déflagration qui en fait des sur-racistes. Alors que déjà, ils avaient une bonne matrice quand même. Mais le jeune enseignant qui vient de Vendée, tu vois, un truc comme ça, c'est un peu mon cas, ou Nantes, ou l'Ouest, tu vois. Il est toujours muté en premier, soit dans la banlieue parisienne, soit dans le Nord, et donc dans des quartiers populaires où il y a, et là, il va trouver effectivement, parfois pour la première fois de sa vie, il va se retrouver devant des Arabes, quoi, en fait. Je veux dire, non, mais il faut voir ce que c'est. Oui, c'est, non, mais c'est pas du tout d'accord. Dans son... Voilà, c'est... Il a pas sa perception du corps social est complètement chamboulée. Après, il s'y attendait un peu quand même. Il sait bien que globalement, il va aller dans des quartiers où il y aura un peu ce genre de personnes. Il arrive encore une fois pavé de bonnes intentions, et mais au bout du compte, évidemment, étant jeune, étant un peu précarisé, étant seul au monde, étant mal préparé au boulot, étant très très vite bordélisé, bah, ça donne quoi un jeune prof blanc qui vient de Vendée et qui avait plein de bonnes intentions humanistes, un peu faible, mais humaniste quand même. Bah, peu à peu, en fait, il va faire un amalgame psychologique entre les gens qui me bordélisent, c'est les Arabes bordélisent et les Arabes sont des bordéliseurs. Et puis, alors, il va pas se l'avouer à lui-même parce que quand même, il a quand même beaucoup de comment dire. D'antidote à ça. Enfin, il a beaucoup, tu vois, de encore une fois, toute une espèce d'écrin humaniste qui fait qu'il ne va pas tout de suite accéder aux affects racistes qui sont en train de germer en lui. Ça va prendre du temps, mais ça va commencer à sortir. Ça va sortir par des petites phrases. Moi, je l'ai noté déjà en 98 à Dreux. Hein. J'étais prof à Dreux. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est une ville où il y avait un grand... passif migratoire, si je puis dire, puisqu'il y avait les usines Peugeot, je crois, c'est ça, où il y avait beaucoup, comme ça, il y avait un afflux d'immigration maghrébine. Et donc, quand tu enseignais dans les quartiers de Dreux, bah voilà, tu te retrouvais avec ce genre de population. Moi, j'étais au lycée, c'est un peu différent, mais quand même un peu. Et donc, je voyais, bien, en salle des profs, ça donne pas. C'est le grand remplacement qui est en route et il faut la remigration. En plus, on était en 95, c'était des sujets qui n'étaient pas encore complètement à la mode. C'était des hits qui n'avaient pas encore été joués. Mais ça, c'était des petits machins. C'était du micro-racisme qui ne disait pas son nom. J'aurais pu les noter à l'époque. C'était des petits trucs où on voyait bien de quoi on parlait, en fait, au réfectoire quand on était en train de parler de. Les gens qui nous faisaient chier à longueur de journée, ils avaient quand même à peu près toujours le même profil, quoi. Et c'est là que j'insiste beaucoup sur le fait que je pense pas qu'il y ait, comment dire, est-ce qu'il y a une constitution raciste de l'école dès son origine ? Ça serait une vraie grande question, qui serait une question presque aussi pointue que la question du racisme d'État. Parce que finalement, c'est la même chose, quoi. Grande question. Mais en tout cas, ce que je sais à coup sûr, avant de trancher la question précédente, c'est que l'école fabrique du racisme, fabrique le racisme des enseignants, ce qui d'ailleurs après se concrétise par des habitudes électorales ou des habitudes de vote qui sont en train de changer à vue d'œil des enseignants. Il y a un vote d'extrême droite des enseignants qui est apparu, qui est significatif maintenant depuis quelques années. Et c'est complètement logique quand vous voyez comment ça se passe. Ça ne peut pas se passer autrement. Je veux dire, je ne vois pas comment les profs pourraient pas développer. Ou alors, il faut vraiment qu'ils aient les anticorps. Et j'en avais, par exemple. J'avais quelques anticorps. Ce qui fait que je ne suis pas devenu raciste, en tout cas pas à ma connaissance. En tout cas, pas autant que les autres. Mais parce que voilà, je veux dire, tout le monde est sujet toujours à plein de trucs. Hein. Bon, c'est compliqué ces affaires-là. Enfin, globalement, quand même, je peux affirmer solennellement que je me suis jamais entendu dire des trucs racistes. Mais beaucoup. Après, ça peut être des actes aussi. Moi, je me souviens de ce truc où, de toute façon, on l'a dit sur toutes les classes populaires en général, l'école, elle a ce rapport déjà autoritaire. Et moi, je me souviens que plein de profs, et d'ailleurs, on les comprenait parce que, comme tu dis, souvent, en plus, en banlieue, ces profs jeunes. Ils étaient envoyés là un peu au casse-pipe. D'ailleurs, certains nous témoignaient une affection de ouais, les conditions là, il n'y a pas de chauffage, ça c'est dégueulasse. Moi, je me souviens d'un prof qui arrive et qui dit ceci là, c'est ça se fait pas quoi, on vous respecte pas. Donc, même qu'il y avait une empathie, qui était avec nous, parfois dans le même merdier que nous, et qu'il y avait ce sentiment, ça n'empêchait pas qu'à des moments, et parce qu'il craque aussi mentalement, d'ailleurs, c'est ce que montre bien, je trouve, entre les murs aussi, c'est que des fois même il craque mentalement et donc. Leur rôle de dominant s'exprime pleinement et ils vont punir, etc. Et moi, j'ai souvent été puni, j'ai subi des choses voilà, comme plein d'élèves, mais je voyais bien que j'avais encore ma blanchité, quoi. Que j'étais encore blanc et que là où moi, on allait me punir en disant ton carnet, machin, me convoquer, à d'autres potes, on les faisait courir dans la cour, on les humiliait, on leur disait va au fond de la salle, machin. Et des profs qui, pour moi, étaient presque des sauveurs, qui m'ont compris, qui ont machin, que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a surpris parfois de reparler des années avec des amis et dire « Ah, tu te souviens quand même, tel professeur, il était sympa. » Et qui me disait « T'es raciste quand même. » Et moi, là, c'était un choc d'entendre ça. En mode « Bah, et quand même, par rapport aux autres, ouais, mais il m'a mis cher. » Et après, tu revois les souvenirs, tu rediscutes et tu fais « Putain, c'est vrai qu'il y a… » Donc même, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a une part aussi inconsciente, quoi, un truc qui fait que « Ah bah tiens, si j'ai envie de me faire les nerfs, bah tiens, ça va retomber, hop !» Un peu sur le même et sur cet élève-là, quoi. Il y a un truc que je raconte rapide avant de te laisser la parole, Yazid, parce que vraiment, j'ai dit à quel point j'étais immunisé, mais pas, parce qu'en fait, quand même, je regardais la télé depuis mon Nantes très blanc de l'Ouest. J'étais en milieu punk, un milieu très blanc, ou alors d'extrême-gauche, très blanche à l'époque, donc voilà. Alors après, ce qui m'a un peu sauvé, c'est que j'avais fait du foot dans un quartier populaire, où quand même, là, j'avais quand même fréquenté pas mal d'Arabes, de Portugais, tout ça, donc ça m'a pas mal aidé. Mais quand même... Je me souviens très bien que j'ai fait, quand j'ai eu connaissance de mes premières classes, toi t'arrives, t'es jeune prof, muté à Dreux. Quoi. Bon, après, avant j'étais à Angers, mais je laisse. Le vrai poste de titulaire, c'était Dreux. Qu'est-ce que tu fais quand tu hérites de tes classes? Bon, emploi du temps, je vais faire ça, toi t'es inquiet, oh merde, putain, j'ai pas mon vendredi après-midi, etc. Mais surtout, tu as le trombinoscope. Tu as le trombinoscope des classes, en fait. Tu as les élèves comme ça. Et tu sais ce que tu fais? Tu sais ce que je me suis vu faire? Parce que j'avais en tête les reportages à la télé, les machins, les trucs comme ça. Pourtant, je n'étais pas niais, tu vois. Je n'étais pas quand même complètement candide politiquement et même sur les questions raciales. Et ben, même un mec comme moi, quand même, qu'est-ce qu'il fait quand il a sa seconde set là et qu'il regarde? Il regarde un peu le profil général. Il compte les Arabes. Mais je vous le dis, je vous le dis. Et si moi, je l'ai fait... Si moi je l'ai fait, je ne suis pas un mec d'une pureté morale absolue, mais quand même, je pense que beaucoup de mes collègues ont fait pareil. Parce que tu avais quand même, au bout du compte, et c'est ça l'inconscient dont tu parlais, Dany, et c'est très juste, l'inconscient qui est façonné par les reportages à la télé, par tout un tas de trucs, tu vois, qui défraient la chronique, ça. Arabe égale délinquant, arabe égale chieur à l'école, et donc en gros, plus j'aurai d'arabes dans la seconde set, plus la classe sera bordélisante. Évidemment. Il y a l'effet contraire, c'est ça qui me patine chez les profs, et je te laisse la parole, c'est qu'il y a aussi l'autre sens, c'est que. Alors il y a tout l'idéal, non mais on voit pas les races et tout, et au final ils le voient, ouais. Donc ils comptent les Arabes, mais ils aiment bien aussi avoir les Asiatiques, ouais. Et moi j'ai vu des profs dire ah il y a pas mal d'Asiatiques, ça va être une classe calme, ils vont être sages et tout, donc il y a vraiment un profilage racial qui est fait. Je pense que c'est important d'avoir cette discussion en ayant bien en tête ce que j'étais en train d'essayer d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire Oui, mais on va continuer, Yazid. Donc, sur cette histoire d'école, je pense qu'en fait pour comprendre cette discussion et rendre concevable ce qu'est en train de raconter François, il faut avoir en tête ce qu'est l'école. Fondamentalement, c'est un endroit où, en fait, on tient captif des gens qui n'ont pas demandé à être là. Ouais. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, ce qui va faire que des gens, ça va bien se passer pour eux à l'école, c'est qu'ils vont être dociles. Et donc, par définition, les gens qui ne le sont pas, les gens qui ne se plient pas aux règles du jeu scolaire, ne sont pas des gens qui sont vraiment super bien appréciés. Et donc, ça donne des choses comme ce que vient de décrire François, à savoir bon, un racisme plus ou moins avoué, et surtout, quelque chose qui me paraît beaucoup plus marqué et beaucoup plus généralisé, pour le coup, dans le corps professoral et au-delà, même l'administration, etc., c'est quand même la remarquable aptitude de l'institution scolaire à accepter des dispositions légales qui sont, mais alors, d'un niveau de racisme incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu comme vraie contestation des différentes lois et des différents textes qui se sont multipliés depuis, grosso modo, 25 ans, interdisant de porter ci, de porter ça. Enfin, on en est arrivé au stade, je veux dire, même la polémique de l'abaya, avec validation de la CGT. Tu vois, c'est quand même un grand délire, cette polémique sur l'abaya. Je veux dire, les autres pays du monde ont regardé ça avec des gros yeux. Hein. Je veux dire, musulmans ou pas, je veux dire, on nage en plein délire, quoi. Dire, on va regarder la taille des tu vois, est-ce que les pantalons sont larges ou pas, est-ce que les robes sont larges ou pas. Toujours dans cette logique-là, tu vois, de profilage racial, parce qu'au final, on parle d'un public qui, par ailleurs, est chiant à l'école, tu vois. Il y a un ensemble de choses qui font que, ouais, en fait, il faut que ces gens-là rentrent un peu dans le rang, tu vois. Il faut qu'ils rentrent dans le rang, ils font chier, et donc il faut qu'ils rentrent dans le rang. Et donc, bon, bah, s'ils peuvent mettre des jeans comme tout le monde, bah, c'est pas plus mal. Justement, est-ce que là, on parle du profilage racial et le fait que les profs ont du mal à admettre ça. Est-ce que justement, l'islam, c'est pas le cadeau qui a été fait pour les profs d'être raciste, mais par une excuse? Bah, bien sûr, la laïcité. L'islam. Bien sûr. Ouais. Bah, à l'image de ce à quoi a servi le signifiant laïcité depuis 40 ans, la société française, une espèce de cheval de Troie du racisme, comme on sait. Enfin, je pense que j'apprends rien à personne ici. Et oui, ça marche comme ça, évidemment. Là où quand même je développe une sorte de ressentiment, d'ailleurs je pourrais dire c'est quelque chose de cet ordre-là en fait. Moi je suis toujours très frappé comment l'école est une fabrique d'irritation générale. Les profs sont irrités, les élèves sont irrités, le personnel est irrité, les cadres sont irrités, tout le monde s'irrite mutuellement. C'est-à-dire qu'on s'irrite les uns les autres, on s'énerve et puis des fois ça monte un peu plus. Personne n'a envie d'être là, les profs sont pas heureux parce qu'ils ont un public qui veut pas être là non plus, donc ça les rend quand même très aigres, ce qui est tout à fait logique. Je pense que quand on parle de malaise enseignant, il est en général diagnostiqué mais de façon très abstraite. Moi, je pense qu'il y a un malaise enseignant profond et structurel qui tient au dispositif même de la classe, qui fait que tous les jours, tu vas voir des gens qui ne veulent pas être là. Je veux dire, franchement, imaginez-vous ce que c'est. Et je ne connais pas beaucoup de métiers où on peut en dire autant. Hein. Je vais avoir un public, et qu'en plus, un public qu'il va falloir motiver, parce que non seulement ils ne veulent pas être là, mais il faut les motiver à faire des trucs, à vouloir apprendre des machins, alors que franchement, bon, tout ça, ça rend tout le monde nerveux. Je crois que ça finit par sécréter du ressentiment, quelque chose de l'ordre d'une aigreur poussée de façon généralisée ou étendue à du ressentiment. Et quand arrivent effectivement des lois islamophobes ou des décrets islamophobes caractérisés, oui, je pense qu'un certain nombre d'enseignants, qu'ils se l'avouent ou pas, inconsciemment ou pas, mais peu importe, se disent « bon, eh ben voilà, ça permet quand même d'épancher un certain ressentiment. Au moins, on aura... » Parce que je pense que les profs se sentent aussi en position de faiblesse. Ils sentent que quand même, les élèves sont en train de gagner d'une certaine manière. Ils se sentent bordélisés, dépassés, submergés. Et là, c'est une façon de reprendre la main, avec effectivement la petite nuance raciste d'usage. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on parlait tout à l'heure d'inconscient, tout ça. Mais je pense aussi, ce qui joue là-dedans, c'est à quel point tu peux te permettre. Je pense que justement, quand tu te retrouvais face à certains élèves où tu sais que les parents, tu vas les voir, ils vont venir au conseil des classes, tu les rencontres, même l'enfant blanc a plus de droits. C'est-à-dire que le frapper ou être dur avec lui ou lui faire subir des choses va être perçu comme plus grave par les collègues, par les parents, par le reste de l'école et tout, etc. Et je pense que ça a joué. Moi, je me souviens juste parfois, quand ça arrivait, genre même, tu sais, le moment où tu rencontres les professeurs avec tes parents, ils parlent pas français, quoi. Tu vois des choses comme ça, genre les parents là, de toute façon ils sont 8, donc c'est peine perdue. Et donc ça facilite aussi la punition de lui on peut d'autant plus lui en mettre plein la gueule que tout le monde s'en fout de son cas, mais ses parents eux-mêmes, parce que de toute façon ceci ou cela. Et donc je pense qu'il y a tout un ensemble, quelque chose qui fait que ça devient encore plus oppressif pour certains. Mais là où je te rejoins vraiment, c'est que c'est ça que tu vis. Moi je me souviens de ce moment quand même où on débarque dans la vie, c'est bien, on s'amuse, on découvre son corps. Et d'un coup, on est sur une chaise et dès qu'on tremble un peu trop, on est puni, on est rappelé à l'ordre, on n'a plus le droit de courir et on n'attend que la récré. Ouais. Moi, je me souviens que les moments de joie intense, d'hystérie, qui sont la récré, c'est l'hystérie collective où enfin, ces corps-là qu'on peut animer, qu'on peut courir, on peut jouer, on peut se toucher, tout ce qu'on a envie de faire quand on est enfant. et qu'on ne peut pas faire dans une classe. Quoi. Bah justement, et c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, François, j'ai l'impression qu'il y a une contradiction qui ne peut pas être résolue, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui vont critiquer les élèves de ne pas être respectueux en classe, de ne pas être disciplinés, alors que pour moi, c'est impossible de rester de 8h à midi, 2h, 17h, sage en classe, surtout quand tu ne comprends rien. Parce que les gens se demandent pourquoi les fouteurs de merde, c'est ceux qui ont des mauvaises notes. Bah, c'est parce qu'ils s'emmerdent, quoi. Ils ne comprennent rien, ils ne peuvent pas rester 8 heures juste à attendre en silence dans le fond. Et en même temps, et c'est là où parfois je suis un peu critique sur vous, mais je sais que vous forcez, je plains aussi les profs. Je veux dire, on leur demande un truc qui n'est pas possible. Là, dire, pas mais, non, mais que, ce, je veux dire, moi, il y a plein de reproches à faire sur les profs parce qu'ils sont vraiment persuadés de leur mission et là, il y aurait des critiques à faire. Mais ce qu'on leur demande à faire, c'est pas possible. C'est-à-dire que même moi, j'étudie sur une REP+ où c'est des classes réduites, mais tu as quand même pas mal d'élèves et tout. Donc, tu as 25 élèves, tu en as une dizaine qui suivent, les autres ne suivent pas. Tes profs de maths, pour essayer d'intéresser les élèves à faire des calculs et tout, c'est impossible. Il y a un moment donné, tu craques. Et c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une incompréhension entre les deux. L'élève ne peut pas suivre, le prof ne peut pas suivre, mais au final, c'est le prof qui a un peu l'ascendant avec l'autorité, mais ça ne peut pas marcher. Je veux dire, on refuse d'accepter le fait que ça ne peut pas marcher entre les deux parce que c'est pas possible que les deux remplissent leur rôle. Moi, j'aurais une position de médiation entre vous, fidèle à ma réputation, fidèle à ma réputation de pacificateur. Non, c'est pas ça, mais si on pense structurellement les choses, les profs sont les victimes. Ils sont aussi des victimes. Non, mais si on pense structurellement les choses, ils sont autant victimes que les élèves. Enfin, c'est tout le dispositif qu'ils n'ont pas inventé. Moi, où j'en voudrais aux profs, c'est pas tant d'en arriver pratiquement à tout ce que j'ai décrit, à savoir d'en arriver presque à être raciste, à dire des choses horribles, à punir dans des sales conditions et à développer tout un tas d'imaginaires nauséabonds. Je leur en veux pas parce que pour moi, c'est vraiment des sécrétions de la structure. Donc, effectivement, ouais. On les met dans un truc complètement impossible, indémerdable. C'est-à-dire d'abord, créer une situation d'apprentissage avec 30 élèves devant toi, mais même avec 8 élèves devant toi, en fait, fondamentalement. Donc, il y a le truc de il faut réduire les effectifs. Bon, tout ça, c'est encore des illusions que se donne le système pour croire qu'il est amendable. Mais en fait, il n'est pas amendable. Où j'en veux davantage aux profs, moi, ça serait sur leur discours conscient, sur le discours qu'ils vont tenir sur leur propre métier, sur ce qu'il faudrait y faire, pas y faire. Et là, il y a une indigence de la réflexion des enseignants sur leur statut, sur ce que c'est que la situation de classe, sur ce que c'est que la situation scolaire. D'abord, je suis toujours aussi très frappé par le fait que le peu d'appétence qu'ont les enseignants pour les connaissances historiques sur la structure par laquelle ils sont payés. C'est-à-dire quand tu parles à des enseignants de l'origine de l'école, ce pourquoi il a été inventé, quels sont les textes fondateurs, à quoi ils ressemblent, ils ne sont même pas allés y voir. Donc, ils sont les premiers à se dire ce qu'on disait un peu au début, que l'école, au départ, c'était super, simplement, elle a été un peu dévoyée, ce qui est un narratif totalement faux, hein, puisque l'école, elle est bien devenue ce qu'elle était, et elle fait exactement ce pourquoi elle a été conçue. Donc, il n'y a pas d'échec de l'école, ça, il faut le rappeler. Donc, moi, c'est là-dessus que je suis un peu plus sévère avec les enseignants. C'est dans la façon, c'est le système discursif qu'ils vont apposer sur leur situation. Mais qu'ils soient ce qu'ils sont dans la situation, en bonne pensée structurelle bien comprise, moi, je ne peux pas leur en vouloir. Tu penses que la police et les ouvriers de la sécurité, comme Fabien Roussel, du coup De toute façon, comme Fabien Roussel, déjà, c'est une phrase qui me désolidarise totalement. Mais même les flics, on pourrait en parler. Je veux dire, j'espère qu'ici, où on est un petit peu rompu à une certaine pensée structurelle, je veux dire, le flic est aussi un produit social. Oui, il y a des raisons pour lesquelles il fait ça. C'est pas seulement l'idéologie. C'est que... quand même, bien sûr. Mais si je t'emmerde beaucoup et donc il n'est pas même responsable de son idéologie, le flic. Ouais, bien sûr. Ouais. Fondamentalement. Non, mais il y a des raisons pour lesquelles tu voulais réagir. Ouais, je voulais répondre à ce que tu sais, à la fameuse critique que sur les profs. On observe sur les profs. Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on voulait renverser le fait, c'est qu'à gauche, il faut toujours les défendre un peu. On ne sait même plus pourquoi. Mais il faut défendre l'école et les profs systématiquement. Ouais. Justement, avec tout ce qu'on est en train de discuter aujourd'hui, nous, avec Raz, on s'est toujours dit, mais non, il y a plein de critiques à faire à l'institution scolaire et même aux profs. En général, pourquoi est-ce que la parole des élèves qu'on a pris plein la gueule, on ne peut pas jouer avec ça? Donc nous, il y a eu volonté de jouer avec ça. Et surtout, parce que je pense qu'on va en parler plus tard, c'est qu'en plus, ça s'est beaucoup droitisé, en tout cas... Ça l'était peut-être déjà de manière un peu inconsciente, mais là, maintenant, c'est carrément presque conscient à quel point maintenant ça vote Macron. Et souvent, les profs sont associés à la gauche. Et ça, on pense que c'est aussi une erreur. Et derrière, on avait envie de jouer sur ça, bon, pour provoquer un petit peu et tout, etc. Et au final, on voit avec Raz que les fruits de ça, c'est que tous ceux qui ont souffert de l'école nous écoutent et nous écoutent sur l'école, d'autant plus qu'ils sentent que pour une fois, Il y a des gens de gauche qui sont conscients que c'est grave et qu'il faut remettre en question cette institution, tu vois. Et de l'autre côté, des profs aussi. Combien de profs nous écrivent tous les jours pour dire « Les gars, je comprends vraiment ce que vous dites. Je le vois en salle des profs. J'essaye de ne pas être le pire, etc. J'essaye tous les jours d'être une professeure qui prend un peu plus attention à ça, qui machin, je vous écoute aussi pour ça. » Donc, on sent qu'il y a un besoin et que j'ai l'impression qu'on a abandonné le discours de faire progresser ce bordel et que justement, bah, tu le disais avec l'exemple de la CGT, pour moi, ça qui est marquant, c'est qu'ils sont là, voilà, ouais, Baya, bah oui, c'est bien. On nage dans un certain délire qui, pour moi, faut remettre un peu de... Ça, on les a beaucoup défendus quand même, les profs, quoi. Mais en fait, j'avais une question sur les profs, encore deux trucs avant qu'on leur tape dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une contradiction principale qui font qu'ils pourront... Il y aura toujours une limite à la critique de l'école. C'est que tu as dit déjà, ils ne peuvent pas manger dans la main qui les nourrit. Mais je pense que ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que l'identité de prof et ce qui fait sa fierté, c'est l'éducation nationale. Son statut, sa dignité, ça veut dire sa fierté, là où il a un peu comment dire, de crédibilité, c'est par l'éducation nationale. Et donc pour lui, vu qu'il a réussi, et parfois ce n'est pas seulement des bourgeois qui réussissent, qui deviennent profs, c'est un peu des classes populaires et des classes moyennes, où pour eux c'est une ascension. Pour eux, c'est presque trop difficile de remettre en cause l'école parce que c'est... Mais moi, j'ai réussi, c'est grâce à ça. Et que ça remet en cause même leur réussite à eux. Est-ce que vous pensez que c'est possible que les profs en viennent à dire « Non, mais même avec ma réussite, il faut critiquer l'institution scolaire. » Là, franchement, vu l'ambiance, tu vois, les speed dating pour trouver des profs, le manque de profs, tu vois. Tu parlais de l'Académie de Créteil, mais ils ont un manque de profs délirant. Un certain nombre d'académies en France qui ont ce problème-là. Je pense qu'on peut parler d'un métier, d'une institution qui est en train de se clochardiser quand même à très grande vitesse. Donc, de ce point de vue... Ils fuient l'école parce que pour eux, l'école ne les respecte pas assez dans leur rôle. Alors, il y a ça, il y a le fait qu'ils ne sont pas bien payés, tout simplement. Il n'y a pas de statut. Tu parlais tout à l'heure de l'éducation nationale. Enfin, tu vois, il y a 25 ans ou 30 ans, tu rentrais, tu avais un statut, tu étais titulaire, tu étais fonctionnaire. Ce n'est plus le cas. Tu vois, aujourd'hui, tu rentres, tu es une espèce de vacataire. Bon, tu vois, tu es payé 3 francs 6 sous. On te balance devant des classes de 35 élèves. Tu n'es pas du tout respecté. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a un contrat qui est rompu, tu vois, entre l'institution scolaire et les gens qu'elle est censée employer à apporter sa parole, tu vois. Donc, de ce point de vue, peut-être qu'on peut voir émerger quelque chose qui peut-être d'un point de vue politique pourrait être intéressant. Moi, je dirais qu'on est à un stade intermédiaire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu disais, le prof se sentant gratifié en tant qu'enseignant, il ne va pas remettre en question la structure qui le fait roi, en tout cas qui le gratifie. Maintenant, comme il le gratifie beaucoup moins, d'ailleurs, le métier d'enseignant est beaucoup moins valorisé dans la société, dans l'ordre symbolique des choses, alors là, peut émerger une espèce de conscience critique de l'enseignant sur l'institution qui le nourrit, mais qui le nourrit mal et qui ne le gratifie pas. Sauf qu'on est au stade intermédiaire, parce que pour l'instant, à l'image de certaines corporations qui se sont beaucoup agitées récemment, qui se sont beaucoup battues récemment, je vais dire, eh bien, ils ne se portent pas, évidemment, sur les bonnes cibles. Donc, on va avoir des cibles intermédiaires anecdotiques. Les profs sont toujours intarissables quand ils font des apéros de profs. Ça m'arrive, hein, j'ai beaucoup de copains profs, évidemment, et des gens très proches de moi. On va cibler quoi ? Le ministre ? La ministre, là, récemment, sur des conneries. Bon, je la déteste, hein, mais je veux dire, on s'en fout. Évidemment que je la déteste, mais on s'en fout. Le principal, la direction, c'est toujours la direction qui ne va pas. Beaucoup d'enseignants vont développer comme ça une critique, mais qui est extrêmement mal ciblée, en tout cas, à mon sens. Peut-être que je ne devrais pas parler à leur place, mais enfin, il se trouve que j'ai un peu exercé le métier, je le connais un petit peu. Je crois qu'ils se... C'est pas qu'ils se trompent de cible, c'est que je pense qu'ils ne sont pas encore assez mûrs, en tout cas, pas assez précarisés, peut-être pas encore assez désespérés pour véritablement cibler la structure elle-même. Donc, pour l'instant, ils vont cibler des personnes, des ministres, le principal, le CPE qui fait mal son boulot, blablabla, bla bla, il y a des dysfonctionnements, on ne fait pas de vagues. Enfin, tout ce qu'on a entendu, tous les mouvements de profs récemment sont plutôt portés sur des fausses cibles. Donc moi, j'ai bon espoir qu'à un stade supérieur de précarisation du métier, ils vont enfin en arriver à cibler les bons coupables ou les bons agents. Il faut les payer moins, c'est ça que tu dis. Exactement, voilà, logique du pire de base. Et c'est bon, ils vont enfin arrêter d'être raciste. C'est ça, c'est ce que tu as dit. Hein. Voilà, en gros. Mais, c'est mon programme. Est-ce que tu n'as pas peur que ça fasse l'effet inverse et que pour eux, la solution, et on le voit actuellement, ça vienne sur ce qu'essaye de faire Attal, une demande de plus d'autorité. Oui, c'est ça. Mais là, c'est ce que j'appelle le stade intermédiaire. de stade intermédiaire, ça serait ça. C'est que quand je dis qu'ils se trompent de cible, c'est qu'ils se trompent vraiment de cible et ils se trompent de revendication. Donc effectivement, ce qu'ils veulent, c'est verrouiller la structure. Plutôt que de critiquer la structure, on va la verrouiller, on va la raffermir, la consolider. Donc effectivement, quand un Gabriel Attal arrive et montre des signes, comme Blanquer d'ailleurs, qui a été plutôt populaire au début dans la corporation, montre des signes de on va remettre de l'ordre dans tout ça, oui, les profs sont plutôt contents. C'est-à-dire qu'on on est un peu au stade, si vraiment je voulais caricaturer, schématiser, on est au stade fasciste de la contestation enseignante. C'est ça, c'est qu'en fait, demande d'ordre plutôt qu'au contraire, demande de désordre. Demande de désordonner davantage la structure et de la foutre en l'air définitivement. Bon, bah, j'ose espérer qu'à un moment, ça va maturer en autre chose. Bon, je ne suis pas optimiste pour les 10 années à venir. Là, on va avoir un gros moment autoritaire avec la validation générale de la corporation. Et c'est vrai qu'il faut bien... La sociologie des gens qui deviennent enseignants maintenant, effectivement, c'est beaucoup baissé. Mmh. Avant, c'était des fils de profs ou des bourgeois. Beaucoup de fils de profs, beaucoup de fils d'enseignants, etc. Il y avait des gens issus des classes populaires qui devenaient profs. Ça a été le cas de mes parents, par exemple. Dans cette génération, ça s'est beaucoup fait. Là, maintenant, moi, quand il m'arrive d'être invité dans les écoles publiques, ce qui m'arrive quand même assez souvent dans l'année, je suis très, très frappé par de découvrir le personnel enseignant qui, par exemple, est de plus en plus racisé. Ce dont on sait bien dans notre société que c'est un symptôme d'origine sociale plus précaire, les choses étant ce qu'elles sont. Donc je pense que l'école publique va quand même se diriger de plus en plus à l'image de ce qu'elle est aux États-Unis déjà, c'est-à-dire en gros, ce sera des profs noirs et arabes qui feront des cours pour des jeunes noirs et arabes. Hein. C'est ça qui va se passer. C'est déjà beaucoup le cas dans certaines écoles primaires de quartier. Je suis très, très frappé par ça. Et donc oui, alors. Là, on retrouve un autre syndrome, c'est qu'effectivement, pour des gens qui sont issus des classes populaires et parfois vraiment d'une enfance très précaire, devenir enseignant, ça reste quand même un ascenseur social, une promotion sociale. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué d'attendre d'eux qu'eux aussi mordent de la main qui les a nourris et qui les a promus. Moi, j'ai une amie qui est comme ça, qui vient vraiment d'un milieu très, très compliqué et d'un parcours, disons, post-colonial. Quand elle m'entend parler de l'école ici ou là, en général elle est plutôt d'accord avec ce que je raconte ou ce que je déblatère ici ou là, quand elle m'entend parler de l'école, ça coince. Je peux pas, elle me dit je peux pas, ça je peux pas me retourner contre cette institution là, c'est pas possible. Parce que pour elle ça a été un sauvetage quoi, c'est-à-dire ça l'a sauvé socialement, et ça l'a fait... comme les flics noirs et arabes. Je fais beaucoup de parallèles avec la police, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Bah oui, probablement. Après, le flic noir et arabe, c'est encore un autre. Ouais. Encore un autre truc, quoi. Non, mais flic, c'est forcément pire, quand même. Deuxième partie, la prochaine fois.